Allons-y avec le commentaire de disque, si vous voulez bien. Un commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centraure, en www.centraure.qc.ca, Québec Pop, www.quebecpop.com et sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N, Trédition, R-O-C-K. Cette semaine, portrait de Julie Kim, auteure-compositrice-interprète au sein de la formation Les Chiclets, les Andrew Sisters de l'Ontario français. Voilà que Julie Kim nous propose Portrait, un premier opus aux allures d'une capsule temporelle renfermant un peu de funk, un peu de soul, mais beaucoup de Motown. Cette franco-ontarienne enseigne toutes les musiques sur lesquelles elle y dépose de magnifiques textes majoritairement signés par Jenny Miner. Écho de ta voix étant un texte d'Éric Dubo. La réalisation de ce disque est l'œuvre de la guitariste Cécile Dukengue, qui s'est entourée de quatre membres de la formation montréalaise de Brooks, qui font fureur à Montréal ces temps-ci, et afin de tenir un univers soul-funk très accrocheur. Je vous donne une adresse, bien entendu, en espérant que vous allez vous procurer ce disque-là. Tout simplement www.julie-kim.ca ou encore www.apcm.ca pour vous procurer une copie de cet album-là. C'est vraiment un très, très, très bon disque. Si vous aimez le soul, le début du disco, le son Motown, eh bien, c'est un produit pour vous. On va y aller avec une première pièce, comme je vous disais. Tous les textes sont écrits par Jenny Miner, sauf la pièce cachée et la chanson Écho de ta voix qui est écrite par Éric Dubo. Musique Julie Kim. Voici Écho de ta voix. Les mots qui nous séparent, les mots qu'on ne dit pas. un de mes coups de cœur décrit très bien cet univers. On va l'entendre dans quelques instants. Étincelle, une ballade soul à la 70 qui me rappelle un peu l'époque Motown et disco. Comme je vous disais, Écho de ta voix représente bien aussi le mood du disque, tout comme Je dis ce que je pense. J'adore trouver les mots qu'on va entendre en fin de commentaire. Encore là, du soul post-Motown à l'état pur. Pour l'énergie au max, eh bien, Hypnose est la pièce maîtresse, mais la pièce cachée, signée Paroles et musique Julie-Kim Baudry, ne donne pas sa place. Éternelle indécise est un très bon Chicago blues des plus accrocheurs. C'est vraiment très, très bien fait. Encore une autre fois, deux adresses importantes, juliekim.ca et apcm.ca pour vous procurer ce disque. Allons-y avec une des bonnes pièces, c'est une belle ballade, Soul 70, Étincelle, voici Julie Kim. Dans le monde des possibles, on serait devenus amants. Petite capsule temporelle, portrait de Julie Kim nous offre une belle toile de fond, funk soul, qui nous rappelle un peu l'époque Motown, un peu l'époque disco à ses débuts. Elle nous livre des textes signés Jeannie Miner et Éric Dubois. Elle est accompagnée au chœur par Kim Richardson et Marie-Christine Despesse. Bref, un univers particulier qui vient nous bercer tendrement le temps de quelques bonnes chansons. Découvrez l'univers de Julie Kim en visitant son site internet www.julietredignonkim.ca ou encore allez faire un tour sur www.apcm.ca pour vous procurer une copie de cet album-là qui est vraiment génial. C'est un peu hors contexte avec la musique d'aujourd'hui. Mais c'est très, très, très intéressant. C'est vraiment, là, ça nous berce tendrement tout au long de l'album. Dernière pièce, voici « Trouver les mots », Julie Kim. Oh, Débuter le bloc de l'Est Québec-Ontario avec la charmante Mélanie Brûlé, Marilyn et John. À l'heure où on enregistre l'émission, on n'a pas encore accès apparemment qu'il y aurait un nouvel extrait de Mélanie Brûlé en français et en anglais. Donc, c'est ce qu'on a pu voir. J'ai partagé ça sur ma page Facebook. Allez voir, c'est ce qu'on a pu en voir sur les réseaux sociaux. Ça s'en vient bientôt. La semaine prochaine, j'aurai sûrement l'extrait et ça me fera plaisir de vous faire tourner ça avec plaisir, et oui, avec sincérité. Il faut encourager cet artiste-là, une auteure-compositrice-interprète originaire de Cornwall, qui vit maintenant à Toronto, mais qui fait de l'excellente musique. On va poursuivre avec une belle surprise que j'ai eue cette semaine. Bon, j'ai eu un entretien avec Joanie Charon de Sugar Crush qui me disait qu'il y avait une surprise qui s'en venait. Bon, OK, c'est quoi la surprise? Ah, le monde va aimer ça. Assez cool, merci. Bon, le premier extrait de leur album en français, s'il vous plaît, c'est tout simplement la pièce « Je pars à pied », très country. Mais là, voilà qu'elle nous arrive avec une version très dance. Écoutez ça, c'est merveilleux. Par la suite, on va entendre le flow franco avec Libéré. L'amour ne se trouve pas au sein des chœurs. Je t'allais voir puis t'étais pas là. Ce n'est pas dans mes poches qu'on trouve le bonheur. Sous la chaleur de ce désert,